professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Ainsi parle Zimri Lim. Quelles étaient les formules d'adresse dont la correspondance paléo-babylonienne demande l'assyriologue Dominique Charpin? Comment les rois se qualifiaient-ils dans leurs échanges d'une lettre à l'autre? Comment se saluait-on entre 2000 et 1600 avant notre ère? Dominique Charpin, titulaire de la chaire Civilisation mésopotamienne, nous entraîne en Mésopotamie dans une grande enquête autour de la correspondance cette année. Il met en lumière les processus de rédaction et de lecture des lettres, qu'elles soient privées ou administratives. Il dessine les relations de confiance avec les scribes, qui sont en première ligne des rédactions, face à des élites qui peuvent être bilingues, l'acadien étant la langue de l'écriture cunéiforme. Dominique Charpin, qui a été épigraphiste de terrain en Syrie et en Irak et qui travaille depuis 2015 avec la mission américaine qui a repris des fouilles à Our, est coéditeur des Archives royales de Marie. Ce formidable corpus d'archives royales sur tablette d'argile s'inscrit au cœur de cette série. Mais nous entendons aussi les voix d'un Amourabi, de militaires, de marchands, d'autres rois venus d'Alep et d'ailleurs. L'assyriologue rappelle qu'il est de fait que c'est à partir de 2000 avant Jésus-Christ que les lettres connurent un spectaculaire développement à la fois quantitatif et qualitatif. Aujourd'hui, l'assyriologue interroge l'art d'écrire des lettres, les codes définis par des formules en ouverture ou pour saluer, une façon de souligner la hiérarchie, qui appelle mon frère, qui appelle mon seigneur, les formules qui servent à ponctuer sur des tablettes d'argile où la place des signes est comptée et où il n'y a pas de saut de paragraphe. Il note également la rareté des bénédictions dans ces lettres et comment parfois elles peuvent se combiner aux salutations. Tout un art d'écrire des lettres se révèle à nous et comme toujours, Dominique Charpin n'est pas avare de savoureuses citations. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 31 mai 2017 pour le cours de Dominique Charpin, lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance. Aujourd'hui, l'art d'écrire des lettres. Au sein des documents de la pratique, on oppose traditionnellement texte juridique et économique d'une part, lettres d'autre part, en soulignant que les premiers ont un caractère essentiellement formulaire, alors que les lettres sont beaucoup plus vivantes. Malgré tout, elles appartiennent à un genre littéraire qui a aussi ses règles, même si elles nous apparaissent moins contraignantes. On sait que l'apprentissage du métier de scribe comportait la copie de lettres. Il pouvait s'agir de lettres historiques en langue sumérienne. C'est ainsi que nous est parvenu, de manière plus ou moins direct, avec des problèmes d'historicité importants, mais des échos, je dirais, de la correspondance des rois de la troisième dynastie d'Our, ou encore de la correspondance des rois d'Issine ou des rois de Larsa. Tous les manuscrits que nous connaissons témoignent de ces exercices scolaires, en particulier ceux qui ont été retrouvés à Nippur. À Marie, Nous n'avons que peu de traces de ces exercices, mais la lettre bilingue adressée à Zimrilim au début de son règne par un scribe désireux d'être employé par le nouveau roi témoigne d'une formation de ce genre, puisque manifestement la version en langue acadienne est l'original, mais on a une traduction sur la colonne de gauche en sumérien qui est, ma foi, grammaticalement, sinon excellente, du moins à peu près correcte. Dans la maison du chantier K, qui a été fouillée dans les années 2000, près de 1300 textes scolaires ont été découverts, qui sont encore inédits. On y a retrouvé une seule tablette liée à la correspondance, qui contient la copie de 7 lettres en sumérien qui appartiennent à la collection récemment rééditée par Alexandra Kleinerman, et celle-ci, parmi les manuscrits, donc a pu intégrer la tablette découverte à Marie. L'autre genre d'exercice qui est beaucoup plus directement lié à la pratique, c'est la rédaction ou bien l'écriture sous la dictée, on ne sait, de ce qu'on peut appeler des lettres modèles en langue acadienne. Ça a été d'abord mis en évidence par Krauss dans un article paru au début des années 60, et plus récemment, le dossier a été repris par Walter Salamerger dans son ouvrage sur les lettres de la vie quotidienne à l'époque paléo-babylonienne. De ces exercices, dans le palais de Marie, nous n'avons qu'un seul témoignage, et qui est d'ailleurs assez amusant, puisque l'adresse figure au milieu de la tablette et est écrite de façon assez maladroite, donc on voit bien qu'on a affaire à un exercice de débutant, mais que nous n'ayons pas davantage d'exercices de ce type à l'intérieur même du palais n'a rien d'étonnant, puisque, faut-il le rappeler, la salle 24 que Parot avait cru être une école, en réalité, était un magasin destiné à stocker des jarres de vin. Ce ne sont pas du tout des bancs d'écoliers, ce qui est une vision anachronique des choses, bien entendu. Et c'est là qu'on a retrouvé les archives du chef des marchands Idiatum, qu'on rencontrera à nouveau tout à l'heure. De façon générale, donc, en ce qui concerne ces lettres en acadien, plutôt que d'un véritable formulaire, il vaut mieux parler de formule. Et dans un premier temps, on s'intéressera à celle qui commence les lettres, l'adresse, qui était l'objet d'une grande attention. On verra ensuite ce qui concerne la suite des lettres, c'est-à-dire les bénédictions, les salutations, le rappel des lettres antérieures, quelques autres règles de rédaction, et pour finir, les indications relatives au lieu et à la date d'expédition de la lettre. Nous allons commencer donc par l'analyse de la structure bipartite des adresses de lettres, et on verra ensuite les règles très précises qui présidait à la façon dont un correspondant s'adressait au destinataire de sa lettre. La formule initiale d'une lettre paléo-babylonienne trahit sans aucun doute les origines orales de la transmission du message. En effet, les premières lignes ne sont pas adressées au destinataire, mais à l'intermédiaire, à celui qui doit communiquer les nouvelles. À X dit « Ainsi parle Y ». L'impératif s'adresse au messager et le consensus consiste à considérer que cette formule garde le souvenir du stade oral des origines. C'est ainsi que Krauss écrivait à propos de la lettre paléo-babylonienne « Son adresse demeure inchangée pendant toute l'époque paléo-babylonienne et montre clairement qu'elle devait remplacer le message oral originel. » Plus récemment, Piotr Mikhalovski a supposé que l'impératif pourrait aussi s'adresser au scribe qui lira la lettre au destinataire. Je le cite, « Les diverses formules d'adresse qui se sont développées à travers les siècles ont retenu le mode impératif et suggèrent le scénario d'un scribe écrivant une lettre sur l'ordre d'un client ou de son maître, un messager transportant les lettres à leur destination et le messager ou quelqu'un d'autre lisant la missive à haute voix au destinataire. » Eh bien, nous avons dans les archives de Marie un certain nombre d'exemples qui permettent de clarifier la situation. Il s'agit, pour l'essentiel, de messages qui sont transmis par oral et apparemment sans tablette. Dans la lettre ARM 26-127, on relate comment Belishtikal, qui était le ministre du roi Shahrayan, a transmis par oral à Shadoum-Shari, le roi d'Assurinum, un message de son maître. Le texte dit ceci. « Le troisième jour, Belishtikal, le ministre de Shahrayan, est arrivé chez Shadoum-Shari et voici ce qu'il a dit. Ainsi parle Shahrayan. Viens à moi, afin que nous nous voyions, et si toi tu ne peux pas venir, alors c'est moi qui viendrai, afin que nous nous voyons. » Voilà ce qu'il lui a envoyé comme message. Donc nous voyons que le messager, qui en l'occurrence n'est pas n'importe qui, puisque c'est un ministre, débute par la deuxième partie d'une adresse traditionnelle. Ainsi parle Shahrayan. S'il s'agissait d'une lettre écrite, on aurait eu comme début « Dis à Shadoum-Shari, ainsi parle Shahrayan ». Autrement dit, les lettres étaient tripartites. On avait d'abord, dans l'adresse, le tout début, qui était un message de l'expéditeur au messager, dit à un tel. La deuxième moitié de l'adresse, c'est au contraire le messager qui parle au destinataire, ainsi parle Y, et puis le reste, le corps du message, c'est ce que l'expéditeur dit au destinataire. Et là, ça se passe, selon les cas, à la deuxième ou, le plus souvent, à la troisième personne. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, on voit que lorsqu'un message était transmis par oral, eh bien, la section 1 était omise et on commençait directement à la section 2. C'est ce que nous confirme la lettre ARM 26-384 qui raconte comment les envoyés du roi Ishmedagan auprès de Hammurabi de Babylone s'acquittent de leur mission. On leur a demandé des nouvelles, ils ont ainsi délivré leur rapport. Ainsi parle ton serviteur Ishmedagan. Donc on est bien avec la section 2. Et la suite reproduit le message d'Ishmedagan à Hammurabi. Je me suis donné du mal, donc c'est dans la bouche du messager, mais c'est le roi Ishmedagan qui parle à travers eux. Je me suis donné du mal à cause des difficultés de mon seigneur, lorsque les Élamites étaient en guerre, etc. Maintenant, Zazia le Touroukéen marche vers mon pays et m'a pris 3 ou 4 villes. Il met à mal mon pays. Je t'ai écrit au sujet de troupes, mais tu ne m'as pas donné de troupes alors que tu en as donné par ailleurs. La fin est intéressante parce que on voit que, alors que le message était rédigé à la troisième personne, eh bien, à la fin, surgit une deuxième personne lorsque le message devient plein d'aigreur. Dans un cas de ce genre, si l'on suppose que la lettre à Zimrilim reproduit le mot à mot de l'entrevue entre les messagers d'Ishmedagan et Hammurabi, on peut penser que le glissement a été le fait d'Ishmedagan lui-même qui aurait dicté la lettre. Et il est fort possible, donc, que les messagers d'Ishmedagan n'aient fait que lire une tablette. Ça n'est pas dit explicitement, mais c'est une situation que l'on connaît. Hélas, ce serait très intéressant, puisque on verrait qu'ils ont omis la première section de la lettre, dit à Hammurabi, et ils ont commencé directement avec « Ainsi parle ton serviteur Ishmedagan ». Ces deux exemples montrent clairement que le message en tant que tel ne commence qu'après l'impératif. Et on notera avec intérêt qu'il en va de même dans certains messages prophétiques, comme celui transmis par Chéliboum, qui était un desservant de la déesse Anunitum, et sa prophétie, donc le message dont la déesse l'a chargé, commence par « Ainsi parle Anunitum ». On peut rappeler également le texte que nous avons déjà vu, à savoir la lettre du prophète Apiloum de Shamash à Zimrilim, qui forme un exemple très intéressant d'emboîtement du message du Dieu qui est introduit par un message de son prophète qui se limite en fait à l'adresse de la lettre. « Dis à Zimrilim, ainsi parle le prophète Apiloum de Shamash, ainsi parle Shamash, et tout le reste de la lettre, c'est le message du Dieu Shamash au roi Zimrilim. » Et à un moment donné, vers le milieu de la lettre, on a la ponctuation et autre chose, ainsi parle Shamash, et le texte continue. Le destinataire était identifié en tête de la lettre par son nom, par son titre ou par les deux, et l'expéditeur s'identifiait ensuite. Il pouvait être désigné par un titre plutôt que par son nom, ou bien son nom pouvait être suivi par une épithète qui le situait par rapport au destinataire. Alors on va analyser ces différents usages. Et ce qu'il est intéressant tout de suite de remarquer, c'est que lorsqu'on a affaire aux lettres d'un fonctionnaire à un roi, eh bien, on a dans l'adresse « ainsi parle un tel ton serviteur », alors que le reste de la lettre est à la troisième personne, ceci montre bien que la deuxième partie de l'adresse est mise dans la bouche du messager qui s'adresse directement au roi destinataire de la lettre. On commence par examiner les lettres royales à des subordonnés. Eh bien, on voit que selon les chancelleries, il y avait différents usages. Trois façons de faire différentes selon qu'on se situe à Babylone, à Larsa ou en Haute-Mésopotamie. À Babylone, tout d'abord, le nom du souverain figure comme expéditeur sans qualificatif. On trouve systématiquement « ainsi parle Hammurabi » et la même formule est employée par tous ses successeurs. À Larsa, on peut trouver de la même manière le nom du roi seul, « ainsi parle Rimsin », mais le plus souvent, on a la formule « ainsi parle Rimsin ton seigneur » ou bien « votre seigneur » lorsque la lettre est adressée à plusieurs personnes. À Marie, en revanche, le nom du roi n'est jamais mentionné. On trouve simplement la formule « ainsi parle ton seigneur ». Donc au masculin, ou « ma belle Kama », ou au féminin, lorsqu'on s'adresse à une femme, ou « ma belle Kima ». Et le destinataire savait quel était l'expéditeur grâce à l'empreinte de sceau qui figurait sur l'enveloppe dans laquelle la tablette était enfermée. On reviendra sur ce point. À Shemshara, dans les lettres de Samsiadou adressées au roi local Kouari, on note une façon de faire qui est différente. On peut avoir « ainsi parle Samsiadou », dans d'autres cas « ainsi parle le roi » ou encore « ainsi parle ton seigneur ». Et manifestement, ça n'est pas indifférent parce qu'il y a deux lettres dans lesquelles on peut voir que le nom de Samsiadou avait d'abord été écrit par le scribe et ensuite ça a été effacé et par-dessus on a écrit « ainsi parle le roi ». Donc, il y avait un point d'étiquette, je dirais, qui a conduit à ce changement. La même formule qu'à Marie se retrouve à Eshnouna, où on a plusieurs lettres qui sont formulées comme « ainsi parle ton Seigneur ». On a par exemple trois lettres retrouvées à Tel Harmal, et là, pour savoir de quel roi il s'agit, eh bien, ça n'est possible que si on connaît de façon précise la période chronologique pendant laquelle le destinataire était actif, donc on peut supposer quel était le roi, et on ne peut en être sûr que si une enveloppe ou un fragment d'enveloppe a été conservé pour les trois lettres de Tel Harmal, c'est le cas de l'une d'elles. Le plus complexe, c'est le cas des lettres royales adressées à d'autres souverains. Selon sa position hiérarchique, un roi s'adressait à un autre roi en tant que père, en tant que frère, en tant que fils ou en tant que serviteur. On va regarder tout cela. Exemple de relation entre un père et un fils, c'est le roi d'Elouhout, qui écrit au roi de Tal Hayoum en tant que père, « dit à As-Dinérim, ainsi parle Choukrouteshub, ton père ». En sens inverse, Zimrilim, écrivant à son beau-père le roi d'Alep, emploie une formule d'infériorité en se qualifiant de fils, « dit à Yarimlim, ainsi parle Zimrilim, ton fils ». Et on connaît une variante dans laquelle le destinataire est non seulement nommé, mais également qualifié de père, « dit à mon père Zimrilim, ainsi parle Shadoum Laboua, ton fils ». On peut trouver la formule redondante, mais elle est attestée. Deuxième cas de figure, des relations égalitaires entre rois qui se considèrent comme frères. C'est le cas pour Hammurabi de Babylone, lorsqu'il écrit au roi de Marie, « dit à Zimrilim, ainsi parle Hammurabi, ton frère ». Et la formule symétrique est attestée, dit à Hammurabi, ainsi parle Zimrilim, ton frère. Lorsqu'on voulait marquer une infériorité encore plus complète que dans le cas de la relation d'un fils qui s'adresse à son père, eh bien, on pouvait écrire en tant que serviteur. Dis à Monseigneur Zimrilim, ainsi parle Shadoum Laboua, ton serviteur. Ou encore, dis à Monseigneur Zimrilim, ainsi parle Rouziri, ton serviteur, etc. Mais cette formule est relativement rare. Le plus souvent, on ne nommait pas le roi auquel on s'adressait. On trouve donc, dis à Monseigneur, ainsi parle Rami Epour, ton serviteur. Et ici, on doit remarquer que si on ne savait pas que Rami Epour était un roi, on ne pourrait pas distinguer ce type de lettre, d'après son adresse, d'une lettre écrite par un fonctionnaire au roi. Quatrième cas de figure, eh bien, les rois ne se qualifient pas l'un par rapport à l'autre. Par exemple, le roi de Shouda Sibkunaanu écrit « Dis à Zimrilim, ainsi parle Sibkunaanu ». C'est une formule qu'on trouve dans presque toutes les lettres de ce roi à Zimrilim, sauf une où il se définit comme son frère. Autrement dit, on peut penser que, le plus souvent, l'absence de qualification signifie qu'on se considère comme égal du roi auquel on s'adresse, même si on ne souligne pas la chose par l'emploi du terme « ton frère ». C'est ce que nous relevons, et je n'ai donné bien entendu que quelques exemples, dans la correspondance royale. Maintenant, se pose la question de la façon dont les gens pouvaient être conscients de ce qu'ils faisaient. On considère en général que la civilisation mésopotamienne est caractérisée par l'absence d'explicitation des règles sous-jacentes. Je citerai par exemple Martha Roth qui écrivait « Les principes ou règles, qu'ils soient scientifiques, par exemple des principes mathématiques ou astronomiques, ou sociaux, par exemple les règles qui régissent les mariages ou les héritages, ne sont que rarement ou même jamais formulées, mais doivent être déduits à partir des cas donnés en exemple. » On pourrait dire la même chose pour la médecine ou la divination, par exemple. Bertrand Laffont a tenu des propos semblables à propos de la difficulté qu'offre l'interprétation des lettres diplomatiques. On n'y trouve pas non plus la moindre allusion à de quelconques règles qui devaient même tacitement commander la façon dont souverains, princes, dignitaires, responsables locaux, chefs bédouins, etc. organisaient leurs relations et échanges. Et il concluait, ces nombreuses normes, règles de conduite et obligations protocolaires à respecter, bien que connues de tous et admises par chacun, n'ont pourtant jamais été explicitement formulées. Eh bien, la façon de s'adresser à autrui au début d'une lettre constitue une exception qui n'en a que plus de prix. La définition qu'on donnait de soi-même était en effet parfois l'objet de véritables négociations, grâce auxquelles les règles gouvernant les formules d'adresse sont explicitement données, ce qui représente pour nous, bien sûr, une chance inestimable. C'est ainsi que le roi des Kalatoum, Ishmedagan, avait chargé ses envoyés de dire à Hammurabi de Babylone « Zimrilim, à qui tu me fais écrire en tant que fils, donc que tu me fais reconnaître comme m'étant supérieur, cet homme n'est-il pas mon serviteur? Il ne demeure pas sur un trône élevé, je n'ai donc pas écrit de salutation élevée. » Et Hammurabi répliqua de façon assez verte aux envoyés d'Ishmedagan « J'ai écrit à Ishmedagan en ces termes, au roi qui m'écrive en tant que fils, toi, écris-leur en tant que frère. À Zimrilim qui m'écrit en tant que frère, toi, écris-lui autant que fils. Ce que je lui ai écrit est-il mauvais ? » Autrement dit, on a ici des relations qui sont de type transitif. Mais ces qualificatifs n'étaient pas figés pour toujours et on pouvait mettre à profit les événements politiques pour se hausser dans la hiérarchie des rois. C'est ce que Samsi-Hadou avait fait à un moment donné à l'égard du souverain d'Eshnouna. Et on a cet événement qui est rapporté dans une lettre postérieure. Dans tous ses messages à Hammurabi, Ishmedagan s'adresse à lui en tant que serviteur. Ce fut l'attitude de son père. Primitivement, son père, donc Samsi-Hadou, écrivait constamment au roi d'Eshnouna en tant que serviteur. Puis, une fois qu'il eut repris tout le pays suite aux ennuis du roi d'Echnouna, il lui écrivit en tant que frère. Donc, difficulté politico-militaire du roi d'Echnouna. Suite à cela, Samsiadou considère que, eh bien, désormais, ils sont des rois de même puissance et il peut cesser de s'adresser à lui en tant que serviteur. Le cas le plus complexe est rapporté par deux lettres écrites à Zimrilim par deux de ses envoyés dans la ville de Kourda. Le premier rappelle à Zimrilim comment lui-même a agi vis-à-vis du roi de Babylone. Au début de son règne, il s'est adressé à lui comme son fils, puis il l'a appelé frère. Et si le roi de Kourda, qui s'appelle à l'époque Simarilané, s'adresse à Zimrilim sur un pied d'égalité, c'est que les anciens de son pays lui ont enjoint de le faire. La citation est un peu longue, mais mérite d'être lue en entier. « Jusqu'à ce que notre Seigneur ait fait sortir Simarilané, qu'il écrive en tant que fils à Hammurabi. » C'était une citation. « Mon Seigneur, ayant écouté le conseil de ses serviteurs, s'est d'abord adressé à Hammurabi en tant que fils. Il a fait sortir Simarilané, mais après cela, lorsque mon Seigneur a écrit à Hammurabi, il ne s'est plus jamais adressé à lui en tant que fils. Cela, mon Seigneur le sait bien. Or, concernant le fait que Simarilané n'a pas écrit à mon Seigneur en tant que fils, mais qu'il a écrit à Monseigneur en tant que frère. Ce sont les chers et les anciens des Noumréens qui sont venus dire à Simarilané « Pourquoi t'adresserais-tu à Zimrilim en tant que fils ?» De même qu'Ashtamaradou, qui était un roi de Kourda antérieur, écrivait d'ordinaire à Yardonim, le prédécesseur de Zimrilim sur le trône de Marie. De même donc qu'Ashtamaradou écrivait d'ordinaire à Yardonim en tant que frère, toi aussi prends l'habitude d'écrire à Zimrilim en tant que frère. Suivant en cela l'avis des chers et des anciens des Noumréens, Simarilané s'est donc adressé à Monseigneur en tant que frère. Et ici, on voit comment le recours au passé permet de légitimer la situation actuelle. La deuxième lettre sur le même sujet est intéressante, un peu différente. Par ailleurs, Monseigneur m'a écrit à propos des termes de confraternité avec lesquels Simarilané s'est adressé à Monseigneur ces derniers temps. Autrement dit, le fait que Simarilané lui a écrit en tant que frère. Nous avons donc pris la parole devant Simarilané pour qu'il écrive et qu'il accepte le terme de père. Mais à cause du pays, que pouvons-nous faire? Car le pays s'est levé en disant « Pourquoi devrais-tu écrire en tant que fils ?» Nous devons nous en tenir à ce qui existait chez nous aux temps anciens. À cette époque, Yardounlim et Ashtamaradou s'échangeaient entre eux des lettres en tant que frères. À présent, toi aussi, tu dois lui écrire en tant que frère. C'est donc sur l'injonction du pays que Monseigneur Simarilané a écrit en tant que frère à Monseigneur, que Monseigneur ne s'en prenne aucunement à moi à ce sujet. On voit donc le représentant de Zimrilim à la cour de Kourda qui met bien les points sur les i en disant « c'est pas ma faute, j'ai essayé d'éviter cette situation, mais le roi a écouté les anciens de son pays ». Il existe encore un inédit où apparaît très clairement la conscience que l'on avait alors de l'importance de cette question. Et lorsque Monseigneur leur écrira, qu'il ne leur écrive pas en tant que père ou que frère, mais qu'il leur écrive ceci, ainsi parle Zimrilim, donc sans qualificatif. De sorte que par la suite, lorsqu'ils se seront réconciliés avec Monseigneur, d'eux-mêmes, ils diront « oui, Monseigneur ». Donc l'astuce consiste à ne rien imposer, de façon que les gens ensuite reconnaissent la supériorité du roi de Marie. Un dernier cas est très amusant. On voit des messagers du roi Atamroum qui arrivent à Babylone et qui ne savent pas comment situer leur maître par rapport à Hammurabi. Les messagers d'Atamroum sont arrivés et en remettant leur rapport, ils dirent une première fois « Ainsi parle Atamroum, ton serviteur ». Et une autre fois, ils dirent « Ainsi parle Atamroum, ton fils ». En remettant leur rapport, ils font vraiment un beau mélange. Manifestement, le message était oral et non écrit, mais la moquerie du représentant du roi de Marie, qui a assisté à la scène, souligne l'importance que revêtait le choix d'un qualificatif, et ensuite il fallait bien entendu s'y tenir. La norme paléo-babylonienne consistait à placer toujours le nom du destinataire en tête avant celui de l'expéditeur. Et donc, on ignorait la subtilité de la correspondance paléo-assyrienne où l'expéditeur pouvait placer son nom avant celui du destinataire s'il considérait que la personne à laquelle il s'adressait était d'un rang inférieur. On a une seule exception à Marie, c'est celle de l'empereur Élamite, qui porte le titre de Soukal ou Soukalmar. On a deux exemples de lettres qu'il envoie et où il place son nom en tête, une sorte de circulaire au roi du Choubartoum. « Ainsi parle le Soukalmar, dit ceci à tous les rois du Choubartoum et de ma frontière ». Donc, interversion des sections 1 et 2. Et on a un deuxième texte dans lequel il y a la citation d'une lettre qui est lue, et on a « Ainsi parle le Soukal à Hammurabi ». Donc là encore, on aurait attendu à Hammurabi en tête et sa figure après. Et ceci était la façon normale de faire dans la chancellerie et la mythe, comme le montrent plusieurs lettres inédites découvertes à Suse et dont j'ai parlé dans un article il y a quelques années. Passons maintenant aux lettres de la famille royale. Lorsque les mères ou les épouses écrivent au roi, elles écrivent « Ainsi parle », et elles mettent leur nom, « ta servante ». Lorsqu'il s'agit de filles, là, on a une assez grande variété de formules. On utilise séparément ou ensemble les termes de « père », de « seigneur », d'étoiles et même, exceptionnellement, le terme de « soleil ». C'est ainsi que Kirou, une des filles de Zimrilim, écrit à son père « À l'étoile, mon père et mon seigneur, dit ceci, ainsi parle Kirou, ta fille. » Nous avons vu comment étaient rédigées les adresses des lettres écrites par des rois à leurs fonctionnaires ou à d'autres rois, mais la grande majorité des lettres retrouvées dans le palais de Marie ont été écrites par des fonctionnaires au roi. Le cas général, c'est un très très grand pourcentage de ce qu'on a retrouvé, c'est la formule « Dis à mon Seigneur, ainsi parle un tel, ton serviteur ». Et on se qualifie comme serviteur, que l'on soit de rang assez modeste, ou bien qu'on soit le Premier ministre. Bien entendu, ce terme de serviteur, « wardoum », qui est ici utilisé, ne doit pas, contrairement à ce que certains ont pu écrire, être pris au sens juridique du terme. Il ne s'agit pas d'esclave au sens juridique, mais il s'agit de marquer une infériorité claire. Pour l'historien d'aujourd'hui, cette façon de faire a malheureusement un inconvénient très grand, c'est qu'on ne peut pas savoir a priori à qui la lettre s'adressait. Et dans le cas du palais de Marie, il s'agit le plus souvent de décider si le destinataire est Yasmaradou ou Zimrilim. Mais il y a des cas plus subtils. Par exemple, on a un lot de lettres qui est écrit par des gens qui habitent la ville de Michelin. C'est écrit Anabelia. Eh bien, c'est seulement parce que Zimrilim se trouve mentionné comme ennemi dans une de ses lettres que Jean-Marie Durand a compris, lorsqu'il a édité ses lettres, que la formule « à notre Seigneur ou à mon Seigneur » ne s'adressait pas du tout au roi de Marie, mais s'adressait en réalité à un roi yaminite qui était en guerre avec le roi de Marie et qu'on a affaire à des lettres interceptées. On reviendra sur la question des lettres interceptées à propos du transport un peu plus tard. On a aussi des exemples assez rares dans lesquels le roi auquel on s'adresse est nommé. Eh bien, lorsqu'on fait des études prosopographiques des expéditeurs de ces lettres, on s'aperçoit que dans chaque cas, l'expéditeur est en réalité un fonctionnaire d'un roi étranger. Par exemple, lorsque vous avez cette lettre qui commence par « Dis à Monseigneur Zimrilim, ainsi parle Yanoursamar, ton serviteur », ce Yanoursamar, nous savons par ailleurs qu'il est ministre, vizir, comme on veut, du roi d'Apoum. Et donc, cette formule, dans laquelle on ne dit pas « Dis à Monseigneur », mais on ajoute le nom du roi, c'est une formule qui était utilisée lorsque les expéditeurs n'étaient pas directement des serviteurs du roi auquel il s'adressait. On a beaucoup d'exemples, et je terminerai par celui-ci, où ce sont les anciens de la ville d'Urkish qui écrivent au roi de Marie, « Dis à notre Seigneur Zimrilim, ainsi parlent les anciens d'Urkish, tes serviteurs. » Si l'on passe maintenant aux lettres échangées entre fonctionnaires, eh bien on voit qu'il y a plusieurs cas de figure. Tout d'abord, l'expéditeur peut ne faire suivre son nom d'aucune indication, ce qui est généralement le signe qu'il se considère comme au moins aussi important que son correspondant. Par exemple, lorsque le ministre Abdou Malik écrit au secrétaire du roi Zimrilim, il lui écrit de la manière suivante « Dis à Shunuraralu, ainsi parle Abdou Malik, nous dirions point, mais il n'y a pas de ponctuation en cunéiforme, l'absence de qualificatif montre que on passe à autre chose. Les fonctionnaires qui s'écrivaient sur un pied d'égalité pouvaient s'adresser les uns aux autres en tant que frères, de la même manière que le font les rois de même statut. Par exemple, « Dis à Abdou Malik, ainsi parle ton frère Tzid Koumlanassi. Ce Tzid Koumlanassi, il était le ministre du roi de Karkemish. » Alors que Abdou Malik était le ministre du roi de Marie, les deux rois sont de même importance, leurs deux ministres sont traités également sur un pied d'égalité. Il pouvait enfin y avoir des lettres écrites par des inférieurs à un supérieur qui n'était pas le roi, comme dans cette lettre, « Dis à Ascoudoum, il s'agit du fameux devin, ainsi parle Baliadou, ton serviteur. » Reste une dernière formule qui n'est jamais utilisée par les rois, mais qu'on trouve assez fréquemment employée par les fonctionnaires, et qui est la suivante, « Ainsi parle un tel ton ami, Raïmka. » Donc là, notre difficulté est de savoir comment situer cette façon de faire, Raïmka, par rapport au cas où on dit ton frère. On peut un peu hésiter sur la nuance que cette formule pouvait convoyer. Il faut terminer par évoquer les cas, qui ne sont pas nombreux, mais qui existent malgré tout, des lettres sans adresse. On peut relever, par exemple, dans ARM 26 229, un récit de rêve, qui se présente donc comme une sorte de lettre, mais qui n'est pas pourvu d'adresse. On a aussi les textes qu'on peut appeler des mandements, que la littérature assyriologique appelle les « letter orders », on en a quelques exemples à Marie. « Donne pour la ration du roi un litre d'huile filtrée. » Et sur le même document, on a le sceau de la personne qui envoie cette lettre sans adresse, Adoudouri, servante de Khadnir Adou. Donc on voit que c'est la reine-mère qui a envoyé cet ordre. Et on a quelquefois des lettres un peu plus complexes. Par exemple, ce document que je cite in extenso, Karim Aratz, homme de Duryardoudlim, et Ilab Tariq, homme de Sagaratoum, deux devins du district de Sagaratoum, me rejoignent rapidement pour prêter le serment par le Dieu. Et cette tablette n'a pas d'empreinte de sceau, donc on ne sait pas qui a écrit cette lettre. Elle a pu circuler avec une enveloppe pourvue d'une adresse et avec l'empreinte de sceau de l'expéditeur, mais ceci ne nous est pas parvenu. Collège de France et France Culture vous présente l'assyriologue Dominique Charpin, Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance, aujourd'hui, l'art d'écrire des lettres. Je passe maintenant au corps des lettres. On va voir d'abord les formules de bénédiction, puis de salutation. On soulignera le fait que fréquemment, on a des rappels de courriers antérieurs. On examinera quelques autres règles de rédaction. Et on finira par la question des mentions de lieu et de date d'expédition d'une lettre. Les bénédictions sont fréquentes, presque de règle, dans la correspondance entre particuliers, mais exceptionnelles dans la correspondance royale. Les lettres royales, en principe, ne comportent jamais de bénédictions, qu'il s'agisse du roi s'adressant à un de ses fonctionnaires ou à un autre roi, ou de lettres adressées au roi. On a, comme toujours, quelques exceptions. Par exemple, dans cette lettre découverte à Tel Leilan, « Dis à mon père Tilabnou, ainsi parle Rayaaboum, ton fils, qu'Adou et Askour fassent vivre mon père pour toujours. » On a une lettre tout à fait exceptionnel à cet égard, qui contient une bénédiction atypique du devin Ibalpiel adressée au roi Yasmaradou, que Dagan et Addu, dieu de sa tête, nomment monseigneur à une royauté très longue, et ensuite, une formule de salutation, je vais bien. Les plus belles bénédictions sont celles qu'on trouve dans les lettres du chef de musique Rishiya, qui ont été publiées et commentées par Nello Ziegler dans Florilegium Marianum 9. On relève, par exemple, que Dagan, Itourmer et les divinités protectrices de Marie te protègent, ou encore Kanum et Enlil te fassent vivre à jamais, Kaddu, seigneur du règne, protège ta vie. Et vous remarquez au passage que ce chef de musique s'adresse au roi Yasmaradou à la deuxième personne, ce qui est l'indice d'une proximité tout à fait exceptionnelle et qui est à mettre en rapport, évidemment, avec le fait qu'on a des bénédictions de cet ordre. Dans les lettres adressées à d'autres personnes que des rois, on peut avoir des bénédictions assez classiques, comme dans cette lettre d'une femme qui s'appelle Tarishratu, que Shamash et Ishtar te fassent vivre pour toujours par égard pour moi. Et je n'insisterai pas davantage en vous renvoyant au livre d'Anne-Isabelle Langlois, que j'ai déjà cité au début du tome 2. Il y a plusieurs pages qui sont consacrées à cette question des bénédictions, puisqu'on en a beaucoup plus dans le corpus de Telrima, où les lettres royales sont beaucoup moins nombreuses que dans le corpus Mariotte. Je passe maintenant à la question des salutations. Il y a deux éléments souvent associés. D'abord, l'indication que l'expéditeur va bien, ou bien que ce qui se trouve sous son autorité va bien. Et deuxième élément, des demandes de nouvelles en retour. Et tout cela peut se trouver soit en début, soit en fin de lettre, sans que nous puissions voir une différence quelconque entre les deux. Exemple, une lettre de Yamsoum, qui est un militaire à la tête de la garnison de la ville d'Ilan Soura, juste après l'adresse « Je vais bien, la ville et la troupe vont bien ». Beaucoup de lettres, immédiatement après l'adresse, indique « le district va bien, Khaltsum Shalim ». Pendant longtemps, on a cru que cette formule permettait d'identifier les gouverneurs, puisque l'idée était que Khaltsum, c'était le district sous l'autorité d'un gouverneur, mais on s'est rendu compte depuis que ça n'était pas si simple. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur d'un district sous l'autorité d'un gouverneur qui peuvent aussi employer cette formule. Du côté des militaires, on peut avoir fréquemment, plutôt en fin de lettre, cette formule « la troupe va bien, que Monseigneur ne s'inquiète pas ». Dans le cas de chefs nomades comme Ibal El, on trouve assez souvent la formule « le Nawoum », qui est un terme qui désigne à la fois les troupeaux et la zone de pâture dans laquelle ils évoluent, ainsi que les Simalites, donc le nom de l'ethnie à laquelle appartient Ibal El, vont bien. On a parfois des combinaisons de bénédictions et de salutations, comme cette lettre d'Atamroum à Amurabi de Kourda, qui est connue par une citation. Je lis l'ensemble. « La tablette d'Atamroum qui est arrivée chez lui, c'est-à-dire chez Amurabi de Kourda, est ainsi libellée. Dit à Amurabi, ainsi parle Atamroum. » Là, c'est intéressant parce qu'on a la citation complète. « Je vais bien. » Le 16 du mois d'Ayaroum, je suis entré à Apoum. Le lendemain, je suis entré à Andarig. Que Shamash et Tishpak te fassent vivre par amour pour moi. Écris-moi de tes nouvelles. » Fin de citation. Tel est le message d'Atamroum. Donc, on pourrait faire un long commentaire de ce passage, ce que j'ai fait dans un article il y a quelques années. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a à la fois une bénédiction, des salutations qui se trouvent à la fin du courrier fort bref qui est ici cité. Nous verrons un peu plus tard qu'il n'était pas d'usage à l'époque paléo-babylonienne de garder une copie des lettres qu'on envoyait. Et donc, lorsqu'on répondait à une lettre, il était prudent de commencer par rappeler à son correspondant ce qu'il avait écrit, un peu à la manière de nos courriels d'aujourd'hui qui incluent la citation du courrier reçu dans la réponse que l'on envoie. Alors on trouve plusieurs formules, par exemple « à propos de ce que le roi m'a écrit » et ensuite on a une citation, ou encore « j'ai écouté la tablette que le roi m'a fait porter » Et vous avez la citation qui suit. À propos de l'affaire de que Monseigneur m'a écrite en ces termes, et vous avez ensuite une citation. On étudiera plus tard la question de savoir si ces citations sont exactes ou pas. Mais ce qu'on peut tout de suite noter, c'est que ne pas répondre à une lettre était à l'époque ressenti comme quelque chose d'insultant. Et le texte le plus beau à cet égard, c'est une lettre encore inédite de Samsiadou qui, une fois de plus, adresse des reproches à son fils Yasmaradou. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait porter de réponse à ma tablette ? Ne pas faire porter de réponse à une tablette, n'est-ce point une forme de mépris et de négation de l'autre ? Est-ce là ton éthique, ta sagesse, littéralement ?» On voit aussi des correspondants souhaiter recevoir des réponses à leur courrier. Utsura Wasu, qui était le responsable du palais de Marie, écrivit à Yasmaradou, qui était à ce moment-là en dehors du palais pour une campagne militaire. Il termine sa lettre par cette formule, autre chose. « Je ne cesse de faire porter chez Monseigneur des lettres de moi, que Monseigneur me fasse porter une réponse à mes lettres, à mes tablettes, littéralement. » C'est un problème général que de savoir comment interpréter l'absence de réponse, et il y a toujours de la part du bon serviteur la crainte de, comme on dit à l'époque, sortir du cœur du roi. De ce point de vue-là, les lettres de Ribadi à l'époque d'Alamarna sont particulièrement intéressantes. Je n'indiquerai dans ce qui suit que quelques-unes des règles de rédaction qu'on trouve dans les lettres, à commencer par la question de la politesse. Ben Foster a indiqué très justement dans une étude que une règle de rédaction des lettres, c'est qu'un inférieur doit toujours affecter de croire que son supérieur est au courant. Et à Marie, on a pas mal d'exemples dans lesquels une assertion commence par « Monseigneur sait bien que ». Autre règle, quand on énumère des lieux, on doit citer d'abord ceux qui sont les plus lointains de la personne à laquelle on s'adresse et on termine par les plus proches. Le jour où j'ai mis cette règle en évidence, ça a permis de faire des progrès dans la reconstitution de la géographie historique pour l'exploitation d'un certain nombre de lettres. Mais ce que je n'avais pas vu à l'époque, c'est que cette règle explique aussi quelque chose qui est rigoureusement contraire aux règles de politesse actuelles. Dans une lettre babylonienne, vous dites toujours « moi et toi ». Eh bien, en effet, « moi, je suis loin ». Et toi, tu es proche, donc on commence par soi-même, et ensuite, on parle de son interlocuteur. Ça me semble relever de la même logique, ce qui est le plus lointain d'abord, ce qui est le plus proche ensuite, par rapport au destinataire. Et donc, la politesse, c'est de se situer par rapport à la personne à qui on s'adresse. Il y a des règles aussi pour les transitions d'un sujet à un autre, pour une raison très simple, c'est qu'on a affaire à un système graphique dans lequel la mise en page est minimale, pas de retour ligne avec un espace pour introduire un nouveau paragraphe, et par conséquent, il faut que ces transitions soient formulées, d'autant plus que la plupart des lettres, on l'a vu, étaient quand même lues à voix haute à leur destinataire. D'où ce terme de « shanitam », autre chose, qui ponctue les lettres régulièrement, mais qui, curieusement pour nous d'ailleurs, n'introduit pas forcément toujours un autre sujet. Ça peut être une façon simplement de ponctuer pour diviser en paragraphe, encore une fois, quelque chose d'un peu complexe. On a aussi un système d'encadrement des citations qui est rendu nécessaire par le fait que deux points ouvrez les guillemets et fermez les guillemets n'existent pas. Donc là encore, il faut que cela soit formulé. Et je parlerai, pour terminer, des formules finales. On trouve souvent dans la rhétorique courtisane des demandes dans lesquelles le roi doit trancher entre deux propositions qui lui sont faites, que Monseigneur m'écrive ceci ou pas ceci, littéralement. Annitam, la annitam. Donc m'écrive ceci ou le contraire, m'écrive dans un sens ou dans un autre. On peut trouver des traductions un peu moins littérales, peu importe. On trouve aussi très fréquemment « que Monseigneur me fasse porter rapidement une réponse à ma présente tablette », ce qui est une façon de demander des instructions. Et on peut aussi indiquer qu'on a écrit pour informer le roi, mais que c'est lui qui doit décider, comme dans cette lettre de Sametar à Zimrilim, « J'ai écrit à Monseigneur en fonction de mon état de serviteur, que Monseigneur réfléchisse et qu'il agisse en fonction de son état de roi ». C'est une formule pour laquelle on a pas mal de variantes, mais qui montre bien que lorsqu'on se permet de faire des suggestions au roi, il faut ensuite prendre, bien entendu, des précautions. Et on peut s'en remettre au jugement du roi par d'autres formules plus courtes, comme celle-ci, que Monseigneur agisse en fonction de sa réflexion. Un dernier point concerne le lieu et la date d'envoi de la lettre. En effet, contrairement à nos usages, les lettres n'étaient normalement pas situées dans le temps et dans l'espace. On peut penser que le porteur de la tablette livrait oralement ces informations qui nous font aujourd'hui si cruellement défaut. Mais il existe des exceptions, avec des lettres qui peuvent d'abord être datées du mois et du jour, comme celle-ci. « J'ai fait porter la présente tablette à Monseigneur au mois Kiskissoum, qui est le 11e mois, le 14 au soir. » Les lettres envoyées par Samsiadou à Yasmaradou lors de la campagne militaire qui se déroulait dans le Zalmakoum comportent pratiquement toute l'indication du lieu et de la date de leur envoi, comme celle-ci. Le 8 courant du mois d'Ayaroum, je t'ai fait porter cette tablette de moi depuis Ninive. Cela s'explique parce que beaucoup de lettres de cette correspondance contiennent des contre-ordres et manifestement, Samsiadou avait peur qu'une lettre ait connu un problème d'acheminement et arrive après une lettre expédiée postérieurement dans laquelle il y a un contre-ordre. Et donc la seule façon d'éviter ce type de quiproquo, c'est de bien indiquer où et quand on a écrit la lettre. C'est une question, en quelque sorte, de sécurité militaire. Précaution, non pas militaire, mais d'ordre juridique et administratif, c'est ce qu'on trouve dans des lettres très courtes qui sont envoyées par le percepteur Noumoujdan Harari au chef des marchands Idi Yatoum. Noumoujdan Harari se trouvait sur l'Euphrate et prélevait des taxes, et il envoyait ensuite une lettre au chef des marchands, dit à Idi Yatoum, ainsi parle Noumoujdan Harari, « 6 cycles d'argent ont été perçus sur le cargo d'huile de Yapar Dagan, laisse passer le 2 du mois Lil Yatoum, qui est le mois 9 dans le calendrier de Marie. » Donc ici, c'est lié à la perception d'une taxe mixum. Et cela explique pourquoi les indications du calendrier sont importantes. Ce qui est intéressant également, c'est de voir qu'on a des cas où l'expéditeur annonce son arrivée quelques jours après l'envoi de la lettre. Par exemple, « Je partirai 5 jours après l'envoi de ma présente tablette et je rejoindrai Monseigneur. J'exposerai un rapport complet devant Monseigneur. » Donc ici, l'indication temporelle, elle a comme but d'excuser la brièveté de la lettre. Il vaut mieux ne pas perdre de temps, puisque de toute façon, très bientôt, je pourrai faire un rapport oral plus détaillé au roi. De la même manière, on a une lettre du roi Zimrilim qui indique que sa lettre est envoyée le 8 du mois de Kiskissoum et qu'il sera à Marie le 12, donc 4 jours plus tard. Tout doit alors être prêt pour les sacrifices de la déesse d'Eritum. On a aussi des cas où le lieu d'où la lettre est envoyée est précisé. C'est le cas notamment lorsque on a affaire à un proche du roi envoyé en mission. Cette indication figure parfois juste après l'adresse, comme dans cette lettre du devin Ascoudoum, envoyée lors de sa mission à Alep, « J'ai fait porter à Monseigneur ma présente tablette depuis Himar ». Ça permet au roi de savoir où en est Ascoudoum dans son trajet depuis Marie jusqu'à Alep. Cas identique avec cette lettre de Sumuhadou qui a été écrite alors que Sumuhadou escortait la nouvelle reine Chiptou dans le sens contraire depuis Alep jusqu'à Marie. J'ai fait porter ma présente tablette à Monseigneur depuis Dour Yardounlim. Et parfois, cette indication ne figure pas après l'adresse, comme ici, mais au contraire en fin de lettre, comme dans cette missive d'Ascoudoum à Zimrilim, « J'ai été fait porter ma présente tablette depuis Zallorum. Parfois, on indique la date de réception de la lettre, non pas avec le mois et le jour, mais en fonction du moment de la journée, comme on l'a vu tout à l'heure à propos des dates d'envoi. C'est le cas dans cette lettre de Mukanishum, alors que Zimrilim est en campagne. Il ne faudrait pas que Monseigneur dise « Mukanishum a été négligent envers ses lances. Lorsque la tablette de Monseigneur m'est arrivée, c'était la nuit, les verrous du palais étaient mis et je n'ai pas pu faire sortir ses lances. » Il s'agit ici pour Mukanishum de se justifier. Mais la lettre a ceci de très intéressant, qu'elle confirme ce qu'a écrit Nelle Ziegler à propos du palais. Dans le palais, il y a essentiellement les femmes. Et contrairement à ce que quelqu'un comme Parot croyait, l'intendant Mukanishum ne vivait pas dans le palais, il vivait à l'extérieur. Et c'est pourquoi, recevant cette lettre du roi qui lui dit d'envoyer des lances, les lances, elles sont stockées dans un magasin du palais. Et donc, il ne peut pas rentrer dans le palais, il ne peut pas répondre. Pour conclure, on sait qu'il existait des sortes de manuels dans les écoles, les edouba, pour rédiger les textes juridiques, les contrats. Il y a des textes qui ont été édités récemment par Gabriella Spada notamment, qui a également lancé un site internet dans la série des sites oracles de Philadelphie. Il y a un livre dû à Walter Bodin, dans lequel beaucoup de ce qu'on appelle modèles de contrat de l'université de Yale ont été publiés. Mais il faut bien dire que, en ce qui concerne les lettres, ça n'est pas le cas. De nos jours, les manuels pour aider à la rédaction de lettres pullulent. Celui-ci s'appelle dictionnaire, mais quand vous voyez le nom de l'éditeur, vous comprenez pourquoi. C'est en réalité non pas un dictionnaire, mais un manuel. C'est un genre qui a une grande antiquité. Au XVIIe siècle, par exemple, il y avait cet ouvrage, Le secrétaire à la mode de Jean Puget de la Serre, qui a eu un très grand succès dans la Mésopotamie paléo-babylonienne. Malheureusement, il n'a rien existé de tel. On trouve seulement des exercices qui permettent de voir que c'est par la pratique que les scribes étaient formés. Quoi qu'il en soit, nous avons vu aujourd'hui suffisamment d'éléments pour être certain que des règles très strictes concernaient non seulement la manière dont on s'adressait à son correspondant, mais la façon même dont les lettres étaient rédigées. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 31 mai 2017 Dominique Charpin lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne la correspondance. Aujourd'hui, l'art d'écrire des lettres. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de sa diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Dominique Charpin. Je rappelle également le lien vers Archilab, la base de données internationale qui présente les archives babyloniennes des 20e, 18e siècles avant notre ère. Dominique Charpin a notamment publié « Lire et écrire à Babylone au PUF » en 2008 et plus récemment « Aux belles lettres » avec le Collège de France, « La vie méconnue des temples mésopotamiens ». Un grand merci à Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Meryl Meneghetti. Demain, la syriologue Dominique Charpin se penchera sur l'art de citer et de copier les lettres. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.